Au bureau, à la pause café. Emeline et Clélia parlent d'un nouveau collègue. Tu connais le nouveau dessinateur du journal ? Ah oui, ce grand brun aux yeux verts. Il est très sympathique et très drôle. Ah bon, tu trouves ? Pour moi, il est froid et distant. Mais il discute souvent avec Christiane, la nouvelle secrétaire. Christiane, la petite blonde qui est toujours de bonne humeur ? Ah, je comprends. Elle cherche l'amour. Elle cherche le prince charmant. Oh, tu exagères, comme d'habitude. Tu sais, elle est très gentille avec tout le monde. Pas seulement avec les grands bruns aux yeux verts.